Bonjour Joris. On reste quand même dans le domaine de la discrimination. Oui, on reste toujours dans le domaine de la discrimination. Thématique discriminatoire avec Joris qui représente le collectif Vegipride. Bonjour et bienvenue à Radio Galère, Joris. Bonjour. Voilà, donc tu es le bienvenu. Alors, tout simplement pour clarifier un petit peu l'esprit de nos auditeurs, tu as un quart d'heure avec nous, évidemment, curieux de connaître un petit peu que représente la Vegipride. Alors, spontanément, quand tu es venu nous voir, Vegipride, on pense à la Gay Pride. Forcément, voilà. C'est un peu ce que tout le monde se dit autour de cette table. Mais tu défends, en tout cas, et tu veux exprimer le refus de participer au massacre, notamment des animaux. Tu parles de 60 milliards d'animaux tués par an. Tu nous parles également de la végéphobie, la question animale et le fameux événement que tu défends qui va démarrer le 19 et qui se bouclera le 22. On te laisse la parole, Joris. Exactement. Donc, alors d'abord, je voudrais préciser que je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice. Donc, j'ai probablement tu vas bien t'en sortir, je te rassure. Donc voilà, oui. Donc avant tout, la Veggie Pride, donc c'est pas un hasard le rapprochement avec la Lesbian and Gay Pride. On a voulu un petit peu s'approcher de ce concept-là parce qu'il y a des choses qui sont très similaires entre les deux discriminations et les deux mouvements. Alors toute proportion gardée, bien sûr, puisque à ma connaissance, il n'y a pas de végétariens qui ont été lapidés ou qui sont morts par ce choix-là. Espérons. Mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent, dont en particulier, alors avant tout la fierté, puisque c'est ce qu'on indique sur notre affiche, c'est avant tout la fierté de ne pas participer au massacre de 60 milliards d'animaux dans le monde par an. Dont 1 milliard en France. Donc, c'est pas. On vit dans une société. 1 milliard en France, mais ça, c'est un chiffre édifiant quand même. 1 milliard, oui, 1 milliard d'animaux tués pour notre consommation quotidienne. Donc, bon, c'est pas simple. On vit dans une société où on est conditionné pour participer à ce massacre et c'est pas simple de faire ce choix-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de fierté parce que on vit dans une société qui nous conditionne pour faire ça. Donc, on est un certain nombre à avoir pris cette distance-là. Voilà pourquoi on parle de fierté. On n'est pas, c'est pas quelque chose de glorieux, c'est pas, mais c'est juste que par rapport à la majorité des gens qui, pour nous, restent dans le moule, voilà, on a su faire ce choix-là. Alors, c'est intéressant, et d'ailleurs, c'est votre choix, et on parlait de liberté tout à l'heure, c'est ta liberté, et tu fais bien de l'évoquer, surtout que, bien que tous autour de cette table, hormis Joris, et c'est pas de la discrimination, nous sommes tous, entre guillemets, omnivores, est-ce que la Vegipride est consacrée et ciblée uniquement sur les végétariennes et végétariens ou ça s'ouvre justement un peu plus aux autres? Parce que, à la limite, moi, quand je vois ces photos édifiantes, quand j'entends, quand tu parles de la question animale, une question politique essentielle, quand on parle du massacre des animaux, j'ai envie de me dire, ben, je continuerai à manger les animaux, mais j'ai envie d'être informé, j'ai envie peut-être de réduire, j'ai envie de... Enfin, est-ce que tu comprends un petit peu cet esprit-là? Oui, tout à fait. Ben, disons qu'il existe beaucoup de manifestations, beaucoup de démarches de sensibilisation sur la question animale. Moi, je participe par ailleurs aussi à d'autres actions, à d'autres associations. Par contre, la Veggie Pride, c'est le jour où, justement, qui donne la parole aux végétariens, notamment parce qu'il y a cette question animale qui est en arrière-plan, celle du massacre de 60 milliards d'animaux, mais il y a aussi l'aspect revendicatif, donc il a aussi fait en parallèle à la Gay Pride, qui est le jour où les végétariens peuvent parler des discriminations qu'ils subissent dans la société. Parce qu'en tant que citoyen, normalement, on devrait avoir une liberté de conscience et que cette liberté de conscience-là soit respectée. Tu as l'impression qu'elle n'est pas respectée, justement. Alors oui, depuis tout à l'heure, on parle de jeu. C'est vrai que c'est un collectif. Moi, je suis là pour parler au nom du collectif. On est nombreux en France et puis aussi même en Italie où ça SM. Donc je ne voudrais pas laisser penser que je suis à l'initiative de cette manifestation. Non, je suis juste une sorte de porte-parole pour Marseille. Donc oui, il y a plusieurs démarches qui ont été entamées parce que il y a plusieurs aspects sur lesquels nous sommes discriminés. Il y a l'aspect information nutritionnelle et médicale. En France, c'est extrêmement difficile. Les médecins sont très peu renseignés sur le sujet, alors qu'il existe pourtant, notamment en Amérique du Nord, de très nombreuses études. C'est plus d'un millier d'études qui montrent que le végétarisme est un régime alimentaire qui est tout à fait viable, peut-être même meilleur pour la santé. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce fameux préjugé selon lequel on ne peut pas se passer de la viande? Pour moi, c'est un préjugé, mais est-ce que tu peux nous l'expliquer aux auditeurs? Parce que là, quand on discute avec beaucoup de personnes, on dit « Ah non, mais il faut qu'on mange de la viande, parce que sinon, il va nous manquer ci, il va nous manquer ça. » C'est essentiel pour le développement. Est-ce que tu peux éclaircir ce phénomène-là, justement, pour nos auditeurs? Alors, bon, moi, je suis pas un spécialiste de la question, mais il existe de nombreuses études. Justement, il y a l'Association américaine de diététique, qui est la plus grosse association de médecins, nutritionnistes et diététiciens du monde, qui chaque année, met à jour un document qui s'appelle « La position de l'Association américaine de diététique » sur le sujet. Et qui recense plusieurs milliers d'études qui montrent que le végétarisme ne pose aucun problème du point de vue des protéines. La protéine, c'est un mythe. En fait, des protéines, il y a plutôt un problème de surconsommation, y compris chez les végétariens. C'est-à-dire qu'en moyenne, un omnivore mangerait, par rapport aux recommandations officielles, 70% de protéines en trop. Bon, ça, on le sait tous plus ou moins. On sait qu'on mange trop de viande dans la société dans laquelle on vit maintenant. Et les végétariens même mangeraient plus de 20% de protéines par rapport à ce qui est recommandé. Donc, tout en ne mangeant pas de viande. Tout en ne mangeant pas de viande, c'est-à-dire des protéines. Donc ils sont loin d'être carencés. Hein. Exactement, on en trouve dans les céréales, dans les légumineuses. Tiens, l'exemple révélateur aussi, tu peux nous dire un petit peu ta situation. Tu es végétarien depuis combien de temps? Moi je suis végétarien depuis presque 15 ans et végétalien depuis plus de 10 ans. Donc, végétalien... Alors tiens, la distinction, enfin, on la sait à peu près. Alors il y a les œufs, il y a le poisson. Est-ce que c'est tu peux l'évoquer? C'est ça, donc un végétarien ne mange pas d'animaux, donc pas de poissons, pas d'animaux terrestres ni marins. Donc. Et un végétalien ne mange pas non plus de sous-produits animaux, c'est-à-dire pas de produits laitiers, pas d'œufs. Voilà, principalement de fromage, de lait, de beurre, de choses comme ça. Personnellement, pour moi, c'est un boycott. C'est pas le produit en lui-même qui me gêne, mais c'est plutôt pour bien connaître les conditions d'élevage des animaux, donc des vaches laitières, des poules pondeuses, etc. Je veux pas cautionner ce type d'élevage-là, industriel, qui met les animaux dans des conditions particulièrement cruelles. Ça nuit à cet élevage un peu intensif, ça nuit à l'écologie, à l'écosystème? Alors oui, il y a tout cet aspect-là, c'est-à-dire que maintenant, justement, le végétarisme arrive un peu dans la société par l'aspect écologique et environnemental et humanitaire, puisqu'il y a beaucoup de... Enfin, on sait par exemple, pour produire un kilo de protéines animales, il faut consommer 10 kilos de protéines végétales, c'est-à-dire que les animaux, on leur donne du soja, par exemple, et donc il y a une énorme perte d'énergie... Qui pourrait servir à l'alimentation humaine, justement. Exactement, y compris dans les pays du tiers-monde, notamment. Exactement. Ça, c'est un élément important qui pourrait servir aux pays du tiers-monde. Donc là, on pourrait être sensibilisé par rapport à cet élément-là. Mais bon, la démarche de la Veggie Pride, c'est avant tout de parler de ce choix-là, par respect pour les animaux, pour l'éthique animale. C'est-à-dire que nous considérons que c'est la principale raison, les principaux concernés par le fait que nous mangeons de la viande, c'est les animaux eux-mêmes qui ont leur vie, qui ont envie de vivre, qui n'ont pas envie de souffrance. Alors que la question de l'écologie, qui est une bonne raison de devenir végétarien, ça nous sert à nous en particulier, et on ne prend pas en compte les principaux concernés, qui sont les animaux qui ont envie de vivre et pour lesquels il n'y a aucune nécessité de les tuer. Quoi. Oui, Houssène souhaitait réagir. Moi, ce que je veux savoir par rapport à l'état de santé des végétariens et les autres qui mangent les animaux, est-ce qu'il y a eu des études là-dessus? Alors oui, il y a des études. Bon, il faut savoir que c'est pas nouveau, qu'il y a des civilisations entières qui sont végétariennes depuis des millénaires. En Inde, par exemple, exactement. Ouais. Et puis beaucoup de pays même, y compris en Afrique, qui traditionnellement mangent très peu de viande. La viande, c'est très cher, on peut pas se permettre de tuer un animal comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'études qui existent et puis qui montrent que, de manière générale, il y a des petits avantages d'être végétarien, notamment il y a moins de risques de maladies cardiovasculaires, il n'y a pas de cholestérol par exemple dans les végétaux, des meilleures santé cardiaques de manière générale, moins de cancers, notamment moins de cancers du côlon et d'un certain nombre de cancers. Donc de manière globale, une meilleure santé à peu près. Alors après, ce n'est pas forcément lié directement au régime alimentaire, c'est peut-être lié aussi au fait que les végétariens en moyenne ont peut-être un mode de vie un peu plus... 5, la moyenne, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire un peu plus attention, peut-être un niveau social différent, enfin il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais de manière globale, en tout cas, plutôt une meilleure santé. Et cette manifestation que vous organisez à partir du 21 mai jusqu'au 11 juin, comment ça s'organise? Est-ce qu'à Marseille seulement, ou bien il y aura d'autres manifestations dans les autres villes? Alors, même Marseille, a priori, c'est même à partir du 19 mai, il me semble. C'est ça, alors. Voilà, la manifestation en elle-même est le 21 mai, donc samedi après-midi. Par contre, nous organisons deux conférences les deux jours précédents qui vont un peu situer la manifestation dans un cadre plus politique. Voilà. Et puis ensuite, il y aura donc une Veggie Pride aussi à Paris le 11 juin. Alors justement, si tu peux peut-être informer auditrices, auditeurs sur les débats, et notamment, je crois qu'il y a un débat à l'Équitable Café, si tu peux évoquer les deux dates. Exactement. Alors le 19 mai d'abord, c'est le jeudi soir à 19h30 au seul problème. Donc la première présentation débat va s'intituler « La question animale, une question politique essentielle ». Donc il va s'agir de vraiment de situer dans un cadre politique notre démarche, qui ne sera pas un cadre environnemental, enfin... Oui. Et puis ensuite, le lendemain, donc, à l'Équitable Café, une présentation-discussion sur la végéphobie institutionnelle. Donc ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est la discrimination organisée au niveau étatique, c'est-à-dire principalement les recommandations de l'État concernant la santé, concernant la vigilance antisecte aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, le végétarisme en France est considéré comme un critère pour déterminer si un organisme est sectaire ou pas. Moi personnellement, je fais partie d'une secte. Je connais de nombreux végétariens qui ne sont pas d'une secte. Donc voilà, ça, nous considérons vraiment que c'est une discrimination organisée. Que c'est l'État qui orchestre ça pour vous marginaliser, pour pas qu'on rentre. Peut-être que financièrement, ça, c'est, ben, vous êtes, ils sont moins consommateurs. Il y a des lobbies aussi. Voilà, il y a des grands lobbies. Il y a un grand lobby des producteurs animaliers, donc qui est très important et qui. Je pense pas que ce soit un complot non plus. Hein, disons qu'il y a plein de choses qui interfèrent là-dedans. Il y a notamment au niveau des médecins, c'est souvent un problème de formation. Ils ont très très peu. Je crois qu'ils ont 2 heures ou 1 demi-journée dans leur cursus sur la nutrition. Donc en 1 demi-journée, on peut pas bien sûr connaître sur le bout des doigts toute la nutrition. Donc je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Pas de l'ordre du complot, quoi. Ouais, ouais, exactement. Alors, tu parles que, vous dites, je cite, nous ne sommes pas traités comme les autres citoyens, nous sommes discriminés, donc on parle de discrimination à cause de vos idées, qui sont les vôtres, il faut évidemment les respecter, surtout que, on peut quand même vous comprendre. Et vous dites que cette discrimination s'appelle la végéphobie. Mmh. Alors, bon, on a bien compris ce que c'est, mais est-ce que tu peux rentrer un peu dans le vif du sujet? Il nous reste 5 minutes. Alors oui, c'est un parallèle avec l'homophobie, végéphobie, donc ben c'est ce que je viens d'évoquer, donc principalement, donc ça concerne donc les discriminations que les végétariens peuvent rencontrer, notamment par exemple dans les écoles, dans les cantines. Voilà. Comment ça se passe dans les écoles, justement, si un enfant est végétarien, est-ce qu'il peut avoir justement accès à une cuisine végétarienne, à la cantine, par exemple? Ça se passe très mal. De manière générale, par exemple, les végétariens vont être même moins bien considérés que les musulmans. Par exemple, les musulmans vont pouvoir avoir des menus adaptés. Que les régimes religieux. Ou les juifs. Voilà, ou les juifs également. Les régimes religieux en général. Oui, tout à fait. Donc, c'est extrêmement difficile, notamment parce qu'il y a cette idée aussi que l'école en France doit permettre de mettre tout le monde à égalité. Et donc, on propose des repas à table qui incluent de la viande. Et puis, c'est même pas les enfants végétariens peuvent même pas ne pas manger la viande et manger le reste. C'est-à-dire qu'on les oblige à manger l'intégralité du repas. Ce qui est très courant. Hein, souvent, les enfants leur obligent à manger de tout. On les force même à manger de tout. Parce qu'on s'inquiète justement de leur santé. C'est souvent ça. Pourquoi les parents et les oncles et les... s'inquiète de la santé. On dit que si un enfant ne mange pas, ben il va avoir un état de santé. Il ne mange pas de viande. Et surtout, voilà, la viande, ça a toujours été ce fameux cliché. Là, tu le défends avec pertinence. Et la preuve en est, c'est qu'a priori, sans viande, on peut bien vivre et peut-être mieux vivre. C'est ce que tu évoques. Tout à fait, oui. Cette question-là, et puis le fait qu'il y a aussi les lobbies qui rentrent dans les écoles. Il y a le centre d'information des viandes qui a porte ouverte dans la plupart des écoles françaises pour venir justement porter ce discours-là qu'il faut manger de la viande à tous les repas, etc. Alors que pour des parents d'enfants végétariens, oui, c'est extrêmement difficile, notamment parce qu'il y a aussi, donc les parents ne peuvent même pas non plus donner à leur enfant un casse-croûte qu'ils vont pouvoir manger à midi, parce qu'il y a aussi toutes les conditions d'hygiène, c'est-à-dire le repas va devoir attendre pendant plusieurs heures dans un cartable. Donc il y a tout un tas de choses qui font que c'est vraiment l'enfer pour des parents d'enfants végétariens, qui ne peuvent pas, ni dans les écoles, ni dans les centres aérés, ni de manière générale. Et puis même pour les parents eux-mêmes sur leur lieu de travail, dans la restauration collective en général, dans les prisons, c'est le cas aussi pour beaucoup de prisonniers qui sont végétariens, qui n'ont pas accès à des repas qui respectent leurs convictions. C'est important. Coralie, ouais, qui... Moi, ce que je veux savoir aussi, par rapport aux gens qui élèvent ces animaux pour consommer, quel regard vous jetez sur cette activité? Alors bon, de manière générale, moi je considère pas qu'il y a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Je pense qu'on est dans un système dans lequel ça se passe comme ça depuis toujours. Et puis moi je suis pour une transition vers une société dans laquelle on n'exploiterait plus les animaux. Et donc c'est pas pour nourrir la population, il va falloir faire autre chose. Donc moi je suis pour des reconversions par exemple, pour que les gens petit à petit produisent des céréales et arrêtent de produire des animaux. Est-ce que ça va être une nécessité finalement pour la planète entière, justement, de se reconvertir à une autre alimentation? Parce que, comme tu l'as dit, si bien pour produire 1 kilo de protéines animales, il faut je sais pas combien de kilos de protéines végétales, ce qui est une absurdité totale, sans compter le problème de l'eau, parce que pour faire boire tous ces animaux, ça, c'est une consommation d'eau, et on sait que le problème de l'eau va se poser à un moment donné de façon cruciale à l'humanité. Alors, est-ce que c'est pas justement une transformation des esprits auquel vous appelez, en quelque sorte, par votre mouvement? Oui, tout à fait, d'autant plus que la viande est devenue le symbole maintenant pour pas mal de pays du tiers-monde de la richesse, et donc par exemple même des civilisations comme... Par la Chine par exemple, qui est en train de devenir un gros mangeur de viande, alors que ce n'était pas le cas l'Inde auparavant. Aussi, il y a beaucoup d'Indiens qui étaient traditionnellement végétariens, qui maintenant pour copier le modèle occidental se mettent à manger de la viande, et effectivement ça sera totalement impossible de nourrir toute la planète avec de la viande comme on le fait dans notre société, donc on sera obligé de tout toute façon, déjà par nécessité, parce qu'il n'y a pas de la viande pour tout le monde, il n'y en aura pas pour tout le monde, et aussi pour des raisons environnementales, parce que c'est beaucoup de dégagement de CO2. L'élevage intensif, ouais, avec les vaches et tout. Donc effectivement, ce sera une nécessité de toute façon, notamment pour des raisons écologiques, mais nous aimerions aussi que le sort des animaux soit pris en compte, pas seulement les raisons écologiques qui nous favorisent, nous, qui nous intéressent, nous. Mmh. Moi, je pense aussi que c'est très difficile aujourd'hui, puisque bon, on voit qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Consommer, par exemple, des légumes, c'est un luxe aujourd'hui. Non, je crois pas. Il y a d'ailleurs pas mal de végétariens qui deviennent végétariens par la force des choses, parce que la viande coûte quand même cher. Ah oui. Ah oui. La viande issue d'élevage industriel, les poulets aux hormones, etc., ça coûte pas forcément très cher. Mais si on veut se nourrir normalement avec de la viande, ça coûte plus cher qu'avec des végétaux. Ah d'accord. Mais j'ai une question. On sait qu'il y a 1 million de végétariens dans le monde, dans la France. Et à un moment, être végétarien, bon, c'était un peu à la mode en fait. Toi, tu me dis que tu es végétalien et que tu défendre des idées justement pour lutter contre ces élevages intensifs. C'est un peu aussi les problèmes de la feria pour un peu la dignité de l'animal, le bien-être de l'animal. Les végétariens qui consomment quand même des œufs et tout ça, est-ce que tu ne penses pas plutôt que c'est un effet de mode que vraiment des convictions appuyées, toi en tant que végétalien? C'est difficile à dire. Effectivement, c'est un petit peu comme... Il y a des modes qui passent comme ça, qui vont, qui viennent. J'ai du mal à me rendre compte de ça. Là, maintenant, il y a peut-être un petit courant. C'est vrai que c'est plus facile, par exemple, de parler de la question maintenant qu'il y a 10 ans. Je ne sais pas si c'est simplement une mode. Il y a aussi... C'est l'éveil des consciences, je crois, plutôt. Mais parce que c'est paradoxal, végétarien, quand on défend tes idées, alors qu'on consomme quand même des œufs et tout, avec l'élevage intensif des poules, non? Bah, disons que c'est la même démarche quand même. Moi, je fais pas vraiment de nette distinction. C'est aussi cette pression sociale qu'on aimerait affaiblir par notre manifestation, qui fait que c'est très difficile de se passer d'œufs et de produits laitiers. Il y en a dans les biscuits. Il y en a. Par exemple, pour manger dans les collectivités, en dehors, dans les restaurants, manger végétalien, c'est pas simple. Il faut prendre ses habitudes, il faut avoir des repères. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont végétariens et qui seraient probablement végétaliens si la société était mieux adaptée pour. Tu peux nous dire un tes repas quotidiens, ce que tu fais, un tes repas quotidiens, ton quotidien. Une recette de cuisine, c'est ce qu'elle veut pour elle. Non, mais c'est pour savoir en fait. Allez, pour boucler, qu'on n'aura pas le temps de faire l'agenda. Encore sinon, tu seras obligé de nous faire la cuisine après. Hein. Dis-moi. Alors. Oui, c'est très fluctuant parce que justement, l'intérêt aussi, c'est de varier dans son alimentation. C'est aussi un des secrets pour avoir une alimentation équilibrée, c'est de manger très varié. Donc, souvent, ce qu'on conseille donc, aux gens qui veulent devenir végétariens, c'est pour compenser la viande, c'est d'associer de céréales et légumineuses, puisque ces deux végétaux contiennent. C'est ce qu'on fait par exemple à La Réunion, ils font ça depuis très longtemps. Hein. Pareil en Inde, quand on associe les lentilles. Exactement, par exemple, c'est automatique. Avec les haricots aussi. Maïs et haricots. C'est automatique. Mais matin, tu manges quoi? Alors le matin, la simplicité, c'est les produits à base de soja, parce que le soja, c'est le seul végétaux qui contient l'ensemble des acides aminés des protéines. Donc il existe maintenant, on trouve facilement des yaourts de soja, du lait de soja, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des lobbies végétariens aujourd'hui qui commencent à s'imposer? Le lobby, alors il y a des sociétés qui vendent... Le lobby du soja, il y a le lobby du soja. Il existe, le lobby du soja, ça c'est vrai. Qui est quand même assez faible, et puis souvent c'est un peu interconnecté, c'est-à-dire que ce sont des grandes marques de produits laitiers qui vont développer une branche de soja parce qu'ils ont envie d'être présents un petit peu partout, et donc... Impeccable. Alors, il nous reste, on va te laisser le dernier mot. Ça fait déjà un quart d'heure. On aurait pu te recevoir et d'abord, on pourra vous recevoir. Voilà, c'est de rappeler prochaine, la date. Voilà, exactement. Exactement. À quel endroit, les dates. À quelle heure. Exactement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, le dernier mot pour Joris, on le rappelle, de la Veggie Pride. Alors voilà, donc on a parlé des deux rendez-vous, donc le 19 et le 20 mai, deux conférences, et la Veggie Pride en elle-même, donc ça sera le 21 mai, rendez-vous à 14h, place des Réformés. Donc on va faire un défilé en ville qui va durer 2-3 heures, avec plusieurs mises en scène à différents points stratégiques. Et puis la journée va se continuer par une soirée, donc une after, comme pour la Lesbian Gay Pride, qui va être un peu festive, où il va y avoir un concert. Donc Velvetine, notamment un groupe électro-rock, et puis Veganesh et Jean-Jean, qui sont de slammer et beatbox. Voilà, avec des stands d'information. Si vous avez envie d'avoir des informations sur le végétarisme et la manifestation, rendez-vous à 18h à l'Équitable Café le 21 mai. Merci Joris. Et on rappelle pour plus d'infos, www.vegipride.fr, Veggie, V-E-G-I-E, sinon vegipride.org, ça c'est le site international. Merci Joris, à bientôt. Merci à vous. Bon appétit. Bon appétit pour d'ici 2-3 heures. Ouais, pas maintenant quand même. Et tout de suite, l'agenda de Coralie, déjà 9h28 sur les ondes du 88.4. Au revoir Joris et merci, tu peux rester dans les studios et écouter l'agenda. Or, est-ce qu'il y aura on annoncera le débat la semaine prochaine, mercredi sur notre antenne, on annoncera les débats, notamment celui du jeudi 19 mai, le seul problème, et avec également celui de l'équitable café. Merci à tous et à toutes. Merci et je vous souhaite de passer un bon week-end. Ah oui. Et à lundi. Et bon appétit avec un bon repas végétarien. Ah oui. Ça, nous l'oublions pas. Merci, bonne journée à tous. Bon week-end. Au revoir, merci bien. À toutes et à tous.